Okay, peko ni mama. Il était une fois Angie, et puis plus rien. Angie, à quoi donc veux-tu que je serve si je cesse d'être la moitié de toi? Personne n'en envie mon sort. When I miss you, Itoko iliki okorule komisinai Lokola analfabeto bambudamu Biko mifatile Yango nanze mbonanga oblue demu Jemi mon coeur Polingola ngarambo etuka lokola ndoto ya babai Presence na yuiza li feti Enjizu honga Thank you.